Vous voulez entrer ici? Il dit ça pèse. Ok. Ibra 50k. Isaka Wizzy. À la passe, c'était pas nous. Wesh le dé. C'est le dé, c'est le. Méchant, je suis un mal dominant. Elle aime l'étranglement, le sale visiblement. Je fais ça correctement et je suis le best mec. Et vous là, et si ça baisse. Et vous là, et vous là, et vous là. Si ça...